brin, collègue, poète, ont disparu. Hola, me llamo Andrés, eso es La Chanson, el programa de canción francesa de Radiopolis. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Saludo a Miguel que me acompaña hoy en la técnica. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la. Vamos con la segunda parte de la, del programa que empezamos el mes pasado, que va de canciones con nombre en el título. El mes pasado hicimos los nombres femeninos y esta vez vamos con los nombres masculinos, donde, por cierto, hay bastante donde escoger también. Vamos a ir por orden alfabético, que es un orden muy práctico, un orden como otro. Empezamos con la A, y con la A tenemos a Alphonse. Alfonso es un nombre muy común en España, pero algo anticuado en francés. Es el título de una canción de Linda Lemay, la artista de Quebec, más conocida fuera de Canadá, con el permiso de Céline Dion, pero solo canta Linda Lemay en francés. Tiene 50 años y casi 20 álbumes en su carrera. Se ha hecho una especialidad de ilustrar en una canción situaciones cotidianas como esta, de llevar un nombre inapropiado. Es una canción en primera persona, una canción ácida. Me llamo Alfonso, no es mi culpa. Éramos 9 chicos en mi casa. Tenía que parecerles divertido en la cuna. No puedo decir cómo me llamo cuando una chica me pregunta. Es un nombre de cura. Si no me gustarán las chicas, tampoco un Alfonso puede triunfar en los negocios. Es más fácil cambiar de sexo que de nombre. Es largo toda una vida llamándose Alfonso. Si algún día tengo un niño, lo llamaré Alfonso. Será mi venganza. Escuchemos Alphonse de Linda Lemay del año 1989. Je m'appelle Alphonse, c'est pas de ma faute. C'est mes parents qui m'ont fait le coup. Ça aurait pu tomber sur un autre. On était 9 garçons chez nous. Je sais que ça fait plusieurs prénoms, mais que ça fait plusieurs baptêmes. On peut manquer d'inspiration, mais y a des limites quand même. Je sais pas à quoi ils ont pensé. Ils devaient être pompettes ou quelque chose. Je devais pas être beau quand je suis née. Je devais être drôle, je suppose. Oh, pas de danger que le beau fil hérite d'un prénom comme le mien. Philippe, pour aborder les filles, faut avouer que ça sonne bien. Moi-même posée par la plus belle, la question restait sans réponse. Salut, toi, comment tu t'appelles? Vaut mieux crever que de dire Alphonse. Mais vous savez, changer de prénom, c'est plus compliqué que de changer de sexe. Qu'il soit trop court et qu'il soit trop long, faut se résigner à vivre avec. Je me serais bien contentée de Stéphane, Normand, Éric ou même Denis. Alphonse, ça peut pas chauffer de vanne. Ça fait pas de vague dans une brasserie. Et puis ça se lance pas en affaire. Ça se fait manger la laine sur le dos. Même si papa était prospère, Alphonse, il repart à zéro. Il me semble que si je m'appelais Stéphane, ben je serais peut-être pas aussi pauvre. J'aurais pas une face à soutane, puis je serais peut-être pas aussi chauve. Frère Alphonse, ça c'est beau, le monastère m'ouvrait les bras. Si j'étais pas si hétéro, je serais sans doute rendu là. J'ai de la rancune au fond du cœur. S'appeler Alphonse, ça rend méchant. J'ai jamais mis une scène de fleurs sur le tombeau de mes parents. Je m'appelle Alphonse, c'est mon prénom. C'est mon problème, faut que je m'adapte. Mais je vous jure qu'une vie, c'est long, accublé d'un tel. Je n'ai pas eu de fils encore, mais s'il faut que Dieu m'en donne un, je l'appellerai Alphonse Junior, juste pour me venger sur quelqu'un. Seguimos con la A de Arsène, tampoco un nombre en uso, pero Jacques Dutronc quiso con esta canción homenajear a Arsène Lupin, un ladrón de guante blanco creado por el novelista francés Maurice Leblanc y cuya popularidad en Francia es similar a la de Sherlock Holmes. Ya hemos hablado aquí de Jacques Dutronc, recordar que tiene 73 años y más de 50 años de carrera. Es un actor premiado y con muchas canciones imborrables como esta, que se ajusta perfectamente a su personalidad de gamberro seductor. Sin embargo, su matrimonio con Françoise Hardy es uno de los más longevos del mundo del artisteo. Es el más grande, más elegante, con sus guantes, es el rey de los atracadores, es el rey de los rompecorazones, es un truán, un gentleman, un vividor, siempre gana. Escuchemos L'Arsène de Jacques Dutronc del año 1971. C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant, avec ses gants, ou bien sans gants, à l'Arsène. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et sans scène, à l'Arsène. Quand il s'approche, on cache les broches et les sacoches, il vide les poches, sans arrivoche, l'Arsène. C'est le roi des casseurs, c'est le roi des tombes, il est brillant comme le diamant, rapide comme le vent, l'Arsène. Avec son parapluie, sa moustache mise en blé, l'Arsène. Avec son flair infaillible, il est irrésistible, l'Arsène. Irrésistible et parfois visible, le bel Arsène. C'est un perceur de coffre-fort, c'est un casseur de joli cœur, le redresseur de tous les torts, l'Arsène. C'est un truand, un gentleman, un bon vivant, étourdissant, jamais perdant, toujours gagnant, l'Arsène. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, se démêle, tout se dégèle, et sans scène, l'Arsène. C'est le roi des casseurs, c'est le roi des tombes, il est En la B tenemos a Benoît, Benedicto, otro nombre pasado de moda, pero étonnez-moi Benoît, sorprendame Benoît, es una famosísima canción de François Hardy, quedamos en familia. Esta canción se aleja del estilo sentimental habitual de François Hardy, pero tiene la peculiaridad de haber sido escrito por Patrick Modiano, el último premio Nobel de literatura francés, amigo personal de François Hardy. Sorpréndame, haga el pino, haga locuras, póngase tierno, asústeme. Esto no puede durar así, qué aburrimiento. Escuchemos Étonnez-moi, Benoît, de François Hardy, del año 1968. Sur les mains, avaler des pommes de pin, Benoît, des abricots et des pois, et des lames de rasoir, étonnez-moi. Étonnez-moi, Benoît, faites la grande roue, le grand méchant loup, Benoît. Faites le grand fou, faites les yeux doux, étonnez-moi. Étonnez-moi, car de vous à moi, cela ne peut pas, cela ne peut pas durer comme ça, car de vous à moi, c'est fou ce que sommes ici. Faites-moi le grand soleil, faites sonner le réveil, étonnez-moi. Étonnez-moi, Benoît, jouez du coucou. Accrochez-vous au rideau, Benoît, attrapez-moi au lasso et jouons au rodéo. Étonnez-moi. Étonnez-moi, car de vous à moi, cela ne peut pas, cela ne peut pas durer comme ça, car de vous à moi, c'est fou ce que ce monde sait. Pasamos a la letra C. Con la C tenemos a Cristóbal, que ni siquiera es un nombre francés, sería Christophe. Tonton Cristóbal es una famosa canción de Pierre Perret, se significaría Tito Cristóbal. Recordemos que es uno de los más viejos artistas activos, tiene 82 años, y que se hizo famoso usando por primera vez un lenguaje bastante coloquial, incluso el argot en sus canciones, como esta en la que habla de Cristóbal, que se fue a México a probar fortuna con el alivio de la familia. Volvió rico y destapa delante de sus sobrinos la hipocresía de su hermana, la madre, ahora interesada por su fortuna y tapándose la nariz ante sus malos modos, como fumar marihuana, escupir en el suelo o pegar tiros en la casa. Al final de la historia son sus sobrinos que se quedan con la fortuna del jefe guerrillero.

les satellites et les météores. Dormir dehors, il faut un minimum, une Bible, un cœur d'homme, un petit gobelet d'aluminium. Il faut un minimum. Si loin de la nature ici, le cœur durcit. On est si loin de l'air, on est si loin du vent, si loin du grand désert, si loin de l'océan. Alors la nuit quand je dors, je pars avec Théodore. Marcher dans le désert, si loin de la nature ici, le cœur durcit. Chercheur de trésors, de brindilles et de phosphore, d'amour humain et d'effort. Chercheur de trésors, il faut un minimum, une Bible, un cœur d'homme, un petit gobelet d'aluminium. Y terminaremos con Vincent de Adamo, una canción homenaje a su pintor favorito, Van Gogh. Ya no se presenta ni a uno ni a otro, solo decir que Adamo tiene 72 años bien llevados y acaba de publicar su último álbum, L'amour n'a jamais tort, el amor nunca se equivoca. Vicente, el mundo no era bastante bonito para ti, tuviste hambre, tuviste frío. Tus iris y tus girasoles que hay, que hoy, valen millones, ni siquiera podían pagarte tu vaso de alcohol. Quisiste probar todas las miserias, regalabas colores como se regala el amor. Cuando cogiste la muerte para alcanzar una estrella, tenías en la cabeza soles tan abrasadores que se derritían sobre la tierra en lava color de la sangre. Bueno, pues nos volvemos a ver el mes que viene, el 14, si no me equivoco, a esa misma hora, la 11, y podéis volver a escuchar este programa y los anteriores en La Chanson, en la página web de Radiopolis. Escuchemos Vincent de Adamo del año 1987. Vincent, le monde n'était pas assez beau pour toi, et seul sur ton chemin de croix, tu as eu faim, tu as eu froid. Vincent, pas de veine, tes iris et tes tournesols, qui aujourd'hui valent des sommes folles, ne payaient même pas ton verre d'alcool. Maître des galaxies, étranger sur la Terre, tu as voulu goûter à toutes les misères. Tu offrais tes couleurs comme on offre l'amour pour le moindre regard qui valait le détour. Vincent, pour un peu de beauté, tu t'écartes les lames et jusque dans ces quartiers que l'on disait infâmes, tu donnais aux catins la noblesse des reines pour peu qu'elles te suivaient dans ta quête lointaine. Vincent, le monde n'était pas assez beau pour toi, et seul sur ton chemin de croix, tu as eu faim, tu as eu froid. Ton doigt montrait la lune, il regardait le toit. Et il riait de toi. C'était bien plus facile de te prendre pour fou. Ils n'ont pas vu monter ton extrême dégoût, Vincent. Et quand tu pris la mort pour atteindre une étoile, comme si tu prenais le train entre Paris et Arles, tu avais dans la tête des soleils si brûlants qu'ils coulaient sur la terre en lave rouge sang. Pauvre Vincent, le monde n'était pas assez beau pour toi, et seul sur ton chemin de croix, tu as eu faim, tu as eu froid. Vincent, pas de veine, tes iris et tes tournesols qui aujourd'hui valent des sommes folles ne payaient même pas ton verre d'alcool. Après que les poètes ont disparu.